Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Une vingtaine de personnes originaires de la province de Cibitoke sont dans les mains de la police à Ngaro. Depuis hier après-midi, la police dit mener des enquêtes sur elles pour savoir leur vraie destination quand elles disent qu'elles se rendaient à Mugamba pour y exploiter de l'or. Et puis plus de 4000 personnes de la province Kirundo ont déjà fui la province à cause de la famine due à une sécheresse persistante. Ce reportage dans ce journal. Et 3 personnes sont mortes hier, dont un major de l'armée burundaise, dans un accident de roulage à 7 km du chef-lieu de la province Bururi. Alors que le monde célèbre aujourd'hui la journée dédiée à l'épargne, les chiffres de la Banque centrale montrent que seuls 12% des Burundais possèdent un compte en banque. Voilà pour les grands titres. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour. 3 personnes parmi lesquelles le major Habyarimana Fidel, alias Sodium, enseignant à l'ISCAM, l'Institut supérieur des cadres militaires, sont mortes et 4 blessées. C'est le bilan d'un accident de roulage survenu vers 17h de ce dimanche à 7 km du chef-lieu de la province Bururi. Le commissaire provincial de la police à Bururi dit que toutes les 7 personnes étaient à bord d'une voiture appelée communément Kagongo qui se rendait à Bururi et qui a cogné un camion de marque Fuso qui allait en sens contraire. C'était dans un virage sur Honga. 22 personnes originaires de la province Cibitoke sont dans les mains de la police dans la province Ngaro depuis l'après-midi de ce dimanche. Au moment où elles disent qu'elles se rendaient en commune Mugamba pour exploiter de l'or, le commissaire de police à Ngaro dit qu'elles sont en train de subir une enquête pour connaître leur vraie destination. Laurent Dikouli. Ces personnes, au nombre de 22 qui sont dans les mains de la police de la province Ngaro, sont originaires des communes Bukinanyana et Murgui de la province Cibitoke. Selon les informations que nous devons du commissaire provincial de la police à Mwaro, ces personnes ont été arrêtées vers 15h30 de ce dimanche à Nyakararo, en commune Gisozi de la province Mwaro. Elles se trouvaient à bord de 2 bus de type IAS en direction de Matana sur la RN7 avec d'autres passagers. Ces bus ont été amenés au chef-lieu de la province Mwaro. Ces personnes disent qu'elles se rendaient en commune Mugamba, en province Bururi, pour exploiter de l'or. Le commissaire de la police à Mwaro dit que ces personnes sont en train de subir une enquête de la part de la police. Il précise que s'il s'avère que ce ne sont pas des malfaiteurs, toutes ces personnes vont être immédiatement relâchées. De Mwaro, Laurent Dikouli, Radio Isanganiro. Merci Laurent. L'extrait du casier judiciaire pour les candidats au recrutement des officiers et sous-officiers militaires sera présenté au plus tard le 21 novembre 2016, jour de passation de l'examen. L'annonce a été faite par le porte-parole de la Force de Défense Nationale ce lundi. C'était lors d'un point de presse. Le colonel Gaspar Baratouza a fait cette précision après avoir constaté que ce document fait obstacle aux inscriptions. Suivez-le. Pour répondre aux doléances des candidats qui se sont présentés à l'équipe de l'état-major général qui vient d'effectuer une descente sur le terrain, parmi les documents présentés pour l'inscription, l'extrait du casier judiciaire sera présenté plus tard, le jour de passation de l'examen prévu le 21 novembre 2016 et ne fait plus obstacle à l'inscription pour le moment. Le jour de passation du test intellectuel, les candidats se présenteront au chef-lieu des provinces à 7h du matin, munis du matériel nécessaire pour le test de mathématiques français et anglais. Le colonel Gaspar Baratouza, le porte-parole de la Force de Défense Nationale et des Anciens Combattants, dit que le ministère attend les orientations du Sénat qui seront à la base du recrutement des candidats officiers et sous-officiers. Encore une fois, le colonel Gaspar Baratouza. Dans les fiches ou fichiers du personnel du ministère, à travers le bureau personnel de l'état-major général, ces fiches sont régulièrement actualisées. Au fur et à mesure, s'il y a un départ, s'il y a un qui entre, il y a toujours actualisation de ce fichier-là. Mais aussi, le Sénat a effectué un recensement régional, ethnique, composition, niveau, catégorie par catégorie, pour dire qu'ils ont des données qui vont être, je crois, à la base de ce recrutement mais le rapport n'est pas encore sorti. C'est toujours en main du Sénat. C'est un organe qui contrôle nos institutions. Et nous attendons des orientations pour y travailler là-dessus. Sinon, le recrutement, jusqu'à l'heure actuelle, les enrôlements se font normalement, mais au moment des particularités, les candidats le sauront. Mais je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de changements. Le colonel Gaspard Baratouza, le porte-parole de la Force de défense nationale et des anciens combattants dont les propos ont été recueillis par Mireille Kanyang. Dans la suite de ce journal, le président du collectif des associations des producteurs de riz dans le périmètre Muguerero, Caprimo en sigle, est locataire de la maison d'arrêt de Boubanza depuis la semaine passée. Le gérant du même collectif est en cavale. Jusqu'à présent, Gaspard Miboro et Innocent Nkurunziza sont accusés de gaspillage et de détournement de fonds du collectif pour un total de plus de 40 millions de francs burundais. Les détails avec notre correspondante Spécialitas Kabanyana. Gaspard Miboro a été arrêté par la police jeudi de la semaine passée alors qu'il était à son domicile au village 6 de la commune Gihanga. Il a été conduit manu militari à Boubanza. Deux jours avant son arrestation, il avait été suspendu dans ses fonctions de président du Caprimo, collectif et des associations des producteurs de riz dans le périmètre Muguerero, tout comme le gérant du même collectif et par le directeur général de la SRDI. Dans sa lettre du 25 octobre 2016, Boutoy Terence Nobus, directeur général de la SRDI, a mentionné que le service contrôle interne de cette société, en collaboration avec le comité de surveillance de l'association, ont constaté un manque de 32 695 085 francs burundais de la part de Gaspard Miboro, président du collectif et du gérant Innocent Nkurunziza. De plus, ils sont encore accusés d'avoir détourné 8 135 000 francs burundais qui étaient destinés à la construction de l'école fondamentale du village 6. C'est pour toutes ces raisons que le directeur général de la SRDI a suspendu dans leurs fonctions le président et le gérant du Caprimo. Le président du Caprimo, Gaspard Miboro, est détenu à la prison centrale de Boubanza et le gérant Innocent Nkurunziza reste introuvable jusqu'aujourd'hui. Pescaritas Kabanyana, Boubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes. Les habitants des quartiers Yoba ainsi que ceux des collines environnantes, communes Zégué, Rukoba, de la commune et province Gitega, se plaignent que la régie des eaux vient de passer plus d'une semaine sans leur fournir de l'eau dans leur maison. À la régie des eaux, on indique que cette pénurie d'eau est due au prolongement de la saison sèche, mais qu'il y a une entreprise en train de faire le captage de l'eau sur la colline Rubanzi et demande à cette partie de la population d'être patiente. Arthur Kavaouchi. Les habitants du quartier Yoba indiquent qu'ils viennent de passer à peu près une semaine sans avoir aucune goutte d'eau au moment où ceux des collines environnantes comme Zégué et Rukoba viennent de totaliser un mois alors qu'ils payent les factures chaque fois. La colère est au rendez-vous pour ces habitants et ils font savoir que l'hygiène commence à se détériorer, que ce soit dans la préparation de la nourriture, tout comme sur l'hygiène de leur corps à cause du manque d'eau pour faire la douche. Une autre chose qui choque les habitants de ces quartiers est le long trajet qu'ils doivent faire pour avoir de l'eau. Et la plupart des fois, ils sont obligés de chercher des gens qu'ils doivent payer pour qu'ils leur apportent l'eau jusque chez eux. Cela étant, au moment où ils indiquent qu'ils sont dans une misère sans nom. Les habitants de ces quartiers demandent à la régie des eaux de tout faire pour qu'ils aient de nouveau l'eau dans leur ménage, car sans cela, disaient-ils, la peur leur ronge du fait que choléra peut les attaquer comme à Rumonge. L'ingénieur Claude Manilakiza est le chef d'antenne de la régie des eaux dans la région centre-est. Il fait savoir que cette pénurie d'eau est due à l'élasticité de la saison sèche qui a fait que les châteaux d'eau s'assèchent. Toutefois, il souligne que si la pluie commence à bien tomber, ce problème sera résolu. Néanmoins, il demande aux habitants de ces quartiers de patienter car il y a une entreprise qui est en train de faire le captage de l'eau à la colline Rubanzi de la province de Gitega et qu'il faut attendre la fin de ces travaux pour qu'ils aient de nouveau l'eau dans leur ménage. Sachez que même dans les autres quartiers de la ville de Gitega, même si l'eau est là, elle vient à compte-gouttes. Arthur Kavavushi, Gitega, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Je vous l'avais dit, alors que le monde célèbre la journée dédiée à l'épargne, certains habitants de la ville de Bujumbura affirment qu'ils font de l'épargne. Par contre, d'autres disent qu'ils n'épargnent pas faute de revenus suffisants Il demande au gouvernement de créer des conditions favorables à l'épargne. Suivez ce micro-baladeur de la rédaction. Vraiment, dans ces jours-ci, c'est vraiment difficile d'épargner parce que on ne gagne pas beaucoup. Et même si ce qu'on gagne par jour, ça suffit, à chaque jour suffit sa peine. Nous vivons dans une extrême pauvreté où il est vraiment difficile d'épargner. Et le remède serait qu'on augmente la production et puis, mais aussi qu'on essaie de sensibiliser la population sur le bienfait d'épargner. Je fais l'épargne, mais pour moi, l'épargne, c'est chercher quelque chose à faire, faire une petite entreprise. Et si vous vendez des trucs au marché ou bien une autre petite entreprise que vous faites et que vous mettez de l'argent de côté, en plus, si vous avez trouvé encore de l'argent, vous ajoutez sur ce que vous avez déjà créé pour faire plus de capital. Pour le cas des enfants, pour moi, je créerais un compte et je mettais de l'argent petit à petit, mois par mois, qui va l'aider en grandissant. Nous n'épargnons plus parce que nous n'avons plus de clients. Nos produits ne sont pas écoulés, les sachets, les Fanta. L'année passée, j'épargnais, mais maintenant, c'est impossible parce que j'ai dépensé tout mon argent. Il n'y a pas de revenus dans les cartes de recharge parce que avant dans la carte de 10 000 francs, je tirais le gain de 600 francs, mais maintenant, c'est 400 francs. Nous épargnons, mais peu d'argent. Normalement, je mets de l'argent dans la banque parce que j'ai envie d'épargner. Mais je mets entre 20 et 10 000 francs. Cela dépend de mon salaire. Et quelques jours après, je retire encore parce que je suis dans le besoin. De ma part, je n'épargne pas parce que je n'ai de quoi épargner. Je n'ai aucun revenu. Si je trouve de quoi manger le soir ou midi, ça suffit chez moi. Il faut qu'il y ait des instructions en provenance de l'État pour que la population puisse savoir comment vivre et comment épargner. Pour moi, je crois qu'épargner, c'est difficile. L'économie a chuté. Les commerçants n'ont pas assez d'argent. Avant, j'épargnais de l'argent, mais maintenant, ce n'est pas beaucoup. Je fais du business. Quelquefois, nous n'avons pas de quoi épargner. À cause de la hausse du dollar, nous n'avons pas assez à épargner. Le gouvernement devrait faire quelque chose pour diminuer le dollar. Voilà, c'était quelques habitants rencontrés dans les rues de Bujumbura. Seulement 12,5% des Burundais possèdent un compte bancaire, selon les chiffres de la Banque centrale. Cela est dit par le président du comité exécutif du réseau des institutions de microfinance, RIM, au Burundi. Bernard Kinyata indique qu'à l'occasion de la journée dédiée, de la célébration de la journée internationale de l'épargne, durant toute la semaine, le montant de l'ouverture d'un compte a été réduit dans les microfinances réunies au sein du RIM. Suivez. Quel que soit le niveau de revenus, quelles que soient les difficultés, c'est important que les individus, les familles puissent préserver une partie de leurs revenus pour constituer une épargne, étant donné que l'importance de l'épargne est capitale, elle nous permet de gérer les imprévus, de réaliser des projets importants dans l'avenir. Elle permet également de soigner nos enfants ou un membre de famille qui est malade. Est-ce qu'au niveau du RIM, vous vous réjouissez du pas déjà franchi pour l'épargne ou bien il y a encore à faire? Je vous dirais qu'au niveau de l'ensemble des institutions de microfinance, au niveau de l'épargne, je prends les chiffres par exemple de 2015, nous étions à environ 31 milliards au niveau du montant global des dépôts constitués par la clientèle. C'est un niveau non négligeable, mais il reste beaucoup à faire. Parce que si je prends les statistiques de la Banque centrale, le taux d'inclusion financière était de 12,5%, ce qui signifie que les adultes qui ont l'âge d'avoir un compte, nous avons seulement 12,5% de ces personnes qui ont un compte bancaire. Et cela montre qu'il y a une grande partie de la population qui n'a pas de compte en banque et pour laquelle nous devons sensibiliser davantage, éduquer, informer pour que finalement une grande partie de la population puisse bénéficier d'un compte dans une institution de microfinance ou dans une banque. Je dirais que ceux qui ont encore la peur, c'est par manque d'informations. Puisqu'au niveau des institutions de microfinance au sein du RIM, et pendant la semaine de l'épargne, le montant exigé parfois part de 3 000 francs à 5 000 francs ou plus pour ouvrir un compte. Et vous comprenez que 5 000 francs, ce n'est pas un montant très élevé. Et j'invite la population à profiter de cette occasion pour visiter les différentes institutions de microfinance afin d'ouvrir un compte pour épargner et pour avoir un compte qui vous permet de ne pas garder l'argent à la maison, mais plutôt de déposer l'argent dans une institution de microfinance. Bernard Kignata, c'est le président du comité exécutif du réseau des institutions de microfinance, RIM. Ses propos ont été recueillis par Placide Niyomongere. Et l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, l'UCOM, demande au gouvernement burundais de faciliter les investisseurs. Le président de cette association le dit après le rapport récemment publié par la Banque mondiale sur le Doing Business, où le Burundi a perdu 5 places par rapport à l'année dernière. Le président de l'UCOM estime que les investisseurs se réfèrent à de tels rapports pour qu'ils apportent leurs capitaux dans le pays. Suivez Gabriel Ruffieri, président de l'UCOM. Le doing business vise beaucoup plus un processus transparent tout ce qui concerne les affaires dans un pays donné. Depuis 2013, le Burundi continue à acheter. Il a commencé d'abord à acheter de 2 places en 2013, en 2014 de même, en 2015 de même. Mais malheureusement, voilà, en 2013, le Burundi vient de chuter 5 places. Pourquoi un investisseur étranger vient investir dans un pays donné? Il doit d'abord consulter ses rapports, parce que ce sont des rapports publiés par des institutions crédibles, entre autres la Banque mondiale et la société qui finance les investissements, qui travaille avec le groupe de la Banque mondiale. Je dirais, il faut que les dirigeants burundais aient une attention particulière sur ces rapports, parce que c'est très difficile de croire au développement quand il n'y a pas des investissements. C'est pour cette raison que, par ailleurs, aujourd'hui, vous voyez le tarissement des devises et bien, donc la chute de l'économie. C'est pour cette raison que nous demandons aux autorités de tout faire pour que ces points-là faibles qui sont mentionnés dans ce rapport soient améliorés. Mais pour que ces points faibles soient améliorés, il y a des conditions. Parmi ces conditions, figure entre autres le climat politique. Il doit y avoir un climat politique sain, parce que quand il y a des chicaneries politiques, c'est très difficile que des investisseurs honnêtes puissent venir investir dans le pays. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, nous pensons qu'il est extrêmement important que tous les principes qui concernent la bonne gouvernance et la transparence soient respectés. Voilà, c'était Gabriel Ruffieri, président de l'OLUCOM. Sachez que 10 points sont considérés dans l'élaboration du rapport Doing Business qui évalue annuellement comment les pays facilitent les investissements. Parmi ces points, on peut citer notamment le temps que prend la création d'une entreprise, l'obtention d'un permis de construire, le raccordement à nos électricités, l'octroi de crédit, la protection des investisseurs, le commerce transfrontalier, etc. Isanganiro. Les cultivateurs de la province Rumonge, surtout ceux de la commune Rumonge, peuvent commencer à semer pour la saison culturelle A. Abel Ndaïchimiye, directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Rumonge, le dit après la tombée de la pluie le soir de ce samedi. Une pluie intervenue alors que le premier semis, effectué en début du mois d'octobre 2016, avait presque échoué. Jean-Pierre Misako. Le haricot semé après de grosses pluies tombées en début du mois d'octobre 2016 à Rumonge n'a pas poussé dans plusieurs endroits, notamment dans les vallées de la Mourembe et Dama. Ailleurs, le maïs a poussé mais n'a pas convenablement évolué suite à l'ardeur du soleil qui a frappé cette région pendant environ 3 semaines. Des herbes ont poussé dans les champs non plantés et ce sera presque un nouveau rabour avec le prochain semis. Dans tous les cas, ingénieur Abel Ndaïchimiye, directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Rumonge, appelle les agriculteurs à procéder au semis pour la saison culturelle A dès ce lundi, après la tombée de la pluie ce week-end dans plusieurs localités de cette province. C'est pour qui les semences n'avaient pas poussé doivent procéder à un nouveau semis pour profiter de ces pluies qui ne seront pas abondantes cette saison, selon le DPR Rumonge, citant les prévisions météorologiques de l'IGEVU. Il ajoute que cela ne signifie pas qu'il n'y aura jamais dans cette saison des pluies dévastatrices. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. La commune Gisozi de la province Mwaro s'est dotée depuis ce dimanche d'un nouvel administrateur en la personne de Hilde Ndayuwundi. Elle a été élue par le conseil communal avec 15 voix sur 15. Elle remplace Célestin Singirangabo, destitué il y a un mois par le même conseil communal pour mauvaise gestion des richesses de la commune. Et les étudiants de l'école normale supérieure aînée, regroupés au sein de l'association ACFE d'Imbonesa, demandent au gouvernement de suspendre le projet de décret portant remplacement de la bourse d'études par un système de pré-bourse que les étudiants auront à rembourser après leurs études. Noyé Souharon, président de cette association des étudiants futurs éducateurs, estime que les étudiants, aussi bien que les parents, devraient d'abord être consultés vu la pauvreté de la population dans le pays. On l'écoute. Ce projet de décret stipule que la bourse qui était octroyée par l'État sera remplacée par un système de pré-bourse qui consiste à donner aux étudiants un crédit remboursable après leur cursus de formation. En cas de redoublement, ce projet stipule que l'étudiant n'aura plus droit à ce pré-bourse. De plus, tous les étudiants devront obligatoirement se payer l'assurance. Tenant compte des conditions de la vie déplorables de la majorité des familles burundaises en général et de l'étudiant en particulier, des difficultés de remboursement de ce crédit que va subir l'étudiant, nous, étudiants de l'école normale supérieure, n'avons pas bien accueilli cette nouvelle. De ce fait, nous sollicitons au ministère de tutelle et aux autres institutions compétentes de suspendre l'approbation de ce projet décret qui ne favorise pas la population en général et en particulier la jeunesse burundaise. Nous sollicitons la suspension de l'approbation de ce projet de loi parce que nous éprouvons trop d'inquiétudes, raison pour laquelle nous demandons aux autorités compétentes d'être avec les étudiants, afin de vouloir entendre leurs opinions et que le projet décret soit mis en application ayant accord sur les deux côtés. Les deux côtés, ça signifie quoi? Du côté des étudiants et encore du côté de l'administration, bien du ministère de tutelle, afin de favoriser les familles et les étudiants. Comme on le voit aujourd'hui, la vie est un peu difficile, surtout la situation économique. À la source, reportage. Je vous l'avais dit, plus de 4000 habitants de la province de Kirundo ont déjà quitté cette province à cause de la famine. Et pour faire face à la sécheresse qui sévit dans cette région, la population demande de l'aide de la part des bienfaiteurs. De son côté, le conseiller principal du gouverneur de Kirundo dit que l'administration provinciale a demandé au gouvernement et au programme alimentaire mondial PAM d'aider les communes de Bugabira, Busoni et une partie de Kirundo qui sont les plus touchées. Reportage d'Alain Désiré Okeyeneza de retour de Kirundo. Il s'agit des habitants du secteur Mugombwa de la commune Bugabira en province Kirundo. Ils disent être menacés par la famine. À cause de la sécheresse dans cette région de Bugesera, les cultures sont de plus en plus menacées et la population est désespérée. Certains prennent fuite, d'autres demeurent chez eux. Ces derniers disent vouloir plier bagages, ce qui leur empêche est la difficulté à pouvoir franchir les frontières vers le Rwanda et la Tanzanie. Nous n'avons rien à manger. Nous ne savons à quel sens se vouer. La famine nous frappe fortement et nous demeurons tout près des enfants qui sont condamnés à dormir, ventre affamé. Où allons-nous aller? Nous ne pouvons aller ni au Rwanda ni en Tanzanie puisque les frontières sont fermées. Les autres se déplacent vers d'autres localités, mais certains meurent en cours de route. Ne voyant pas à quel sens se vouer, certains disent vouloir emboîter le pas de leurs prédécesseurs en prenant fuite à leur tour. Ils demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Même si on aurait la chance d'avoir la pluie, nous n'avons pas de semences. Les bienfaiteurs devraient nous venir en aide afin de nous donner les semences à semer au cas où la pluie viendrait à tomber. Les uns partent vers la Tanzanie. Nous aussi, nous allons partir bientôt. Il y a ceux qui avaient déjà parti et qui retournent vendre ce qu'ils ont laissé pour enfin partir de nouveau. Le chef du secteur Mugombwa confirme les cas de fuite de ces populations pour cause de famine. Il précise que ceux qui ont des maisons en tôle les détruisent afin de nourrir leurs enfants en les vendant à vil prix, soit à 4 ou à 5 000 francs. Mais si cela s'épuise, ils prennent fuite. Certains détruisent leurs maisons et vendent les tôles à 4 ou 5 000 francs afin de se procurer de quoi nourrir leurs enfants. Au moment où il n'y a plus rien, ils prennent la décision de prendre la fuite. Ceux qui ont des maisons traditionnelles n'ont pas de tôles à vendre, nous allons mourir de faim. Si vous n'allez pas plaider pour nous dans les meilleurs délais, vous ne nous trouverez plus ici dans les jours à venir. Nous enregistrons chaque jour des départs. Criez pour nous afin que les bienfaiteurs nous viennent en aide. Sinon, nous allons à notre tour plier les bagages. Cette autorité administrative fait savoir que les réfugiés qui rentrent à partir du Rwanda plient de nouveaux bagages à cause de cette disette. Les réfugiés qui retournent partent de nouveau, non pas pour cause d'insécurité, mais plutôt à cause de la faim. Arrivés au Rwanda, ils disent qu'ils fuient l'insécurité afin de pouvoir accéder à l'exil facilement. Sinon, pour le moment, c'est la famine qui constitue l'insécurité. Les communes Bugabira, Busoni et une partie de Kirundo sont les plus touchées par cette disette. Dans d'autres communes, il ne s'agit que des cas isolés. Ces populations se déplacent vers la province Cankuzo, d'autres vers le Rwanda ou la Tanzanie. Le conseiller principal du gouverneur, qui donne ses précisions, dit que plus de 4000 habitants se sont déjà déplacés. Gérard Ngabonziza fait savoir que l'administration provinciale a déjà demandé au gouvernement et au PAM de venir en aide aux populations de ces communes. La population avait cultivé, ils avaient même semé, mais 3 semaines après, il y a eu un assolement très accablant. La population s'est désespérée et ils ont commencé à prendre part vers les régions où ils puissent avoir de quoi manger. Aujourd'hui, nous comptons un effectif qui avoisine autour de 7 000. Pour le moment, nous avons d'abord toqué au niveau du gouvernement et encore vers le PAM. Nous voyons qu'aujourd'hui, avec l'espoir que demain après demain, nous pouvons quand même parer à ce déplacement puisque nous commençons à voir les pluies qui ont commencé à tomber. Au niveau de la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage, l'on affirme qu'une réunion est en cours de préparation pour essayer de trouver une solution à la famine qui surgit de temps en temps dans cette province de Kirundo. Et sport, pour terminer ce journal, le championnat national de football en première division était à la 8e journée, la fin de la semaine dernière. L'équipe Atlético Olympique est première selon le classement provisoire. L'équipe de la mairie de Bujumbura, Buja City, est en 16e position avec 7 points sur 8 matchs qu'elle a déjà livré. Le point avec Évariste Nzikobanyang. Samedi, sur le stade Agasaka d'Ngozi, Messager Ngozi a croisé le fer à domicile avec Rusizi FC de la province Chibutoke. Le match s'est terminé sur le score vierge de 0-0 au stade du chef-lieu de la province Gitega. C'était le tour des Glais Noirs de Makamba, Ngozi City d'Ngozi. Cette formation d'Ngozi s'est inclinée 3-0 devant le club de Makamba. Arugui, Flambeau de l'Est, a accueilli Musongati de Gitega. Cette dernière s'est imposée devant Flambeau à domicile et sur le score d'un 1-0 à Bujumbura, au stade des Princes Rui Gwagasore, à 14h. Interstar a joué contre l'équipe de l'armée Muzinga. Le match s'est soldé sur le score d'un but partout. À 16h, sur le même stade, l'Idealidic Burundi Sport for Africa s'est incliné devant Atlético Olympique sur le score d'un 1-0 au Centre National Technique d'Ongagara, au quartier 9, à 14h. Messager Ngozi a donné une leçon à Magara Star de Rumonge. Le score final a été de 3-0 en faveur de cette formation d'Ngozi. À 16h, sur la même pelouse du Centre National Technique, Olympic Star de Muyinga a égalisé avec Buja City 2-0. Un seul match était en lice ce dimanche entre les Lières et Vitalo. L'équipe Vitalo a remporté la victoire sur le score de 2-0 à la 8e journée du championnat national. Atlético Olympique est provisoirement en première position avec 23 points. Messager Ngozi est deuxième avec 20 points. L'Idealidic Burundi Sport for Africa est troisième avec 18 points. Musongati est quatrième avec 17 points avec 9 buts. Execo avec Aigle Noir en cinquième position qui a empoché 6 buts. Buja City est en sixième position, la toute dernière avec 7 points sur 8 matchs qu'il a déjà livrés. Merci Évariste Nzikobanyang. C'est sur cette actualité sportive de ce lundi que nous refermons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Toussaint Mitevouti pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Nduimana. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.